est amené à introduire dans l'esprit de l'homme une vibration supérieure pour que l'homme vive de son esprit, pour que l'homme puisse plus tard créer des conditions de civilisation autres, selon les pouvoirs de l'homme dans les mots, qui est rendu esprit. Là, à ce moment-là, tu crées une nouvelle civilisation. Tu ne changes pas la société. La société de l'homme n'a pas changé, des millénaires. L'homme, il se met en gros aujourd'hui, seulement c'est plus avancé. Avant, c'était les épées, aujourd'hui, c'est raté. Il y a eu rien de changé chez l'homme. Il y a eu beaucoup de modifications, il y a eu beaucoup d'altérations, mais il n'y a eu rien de changé chez l'homme. C'est plus raffiné, aujourd'hui, les moyens de destruction. Le barbarisme d'antan est devenu un mode sophistiqué aujourd'hui de destruction. On se désengage en tant qu'individu aujourd'hui des œuvres de destruction, parce qu'on paye ses pitons et ça se produit là-bas. Mais c'est le même mécanisme. Au niveau de la Terre, c'est pas tranquille. C'est une illusion qu'on... Puis aujourd'hui, d'ailleurs, on rentre dans une phase où les mœurs de l'homme sont rendus encore plus corrompus que là, 50, 60, 70 ans. Parce que dans ce temps-là, les hommes avaient des modes de vie simples, où il y avait de la corruption, c'était dans les hauts étages de la société qui contrôlaient. Donc là, on est rendu quoi, là, de la démocratie. Ça fait que ça se répand partout le mal. Avant, il y avait que crotté, c'était tout le monde est crotté. Je le sens terminer, ça. Oui, moi aussi. Je mais lui, il est chanceux, il n'entend pas. Alors, ça, il y avait que crotté, mais là, tout le monde est crotté. J'ai dit, tout le monde est crotté. Il dit, quand tout le monde sera crotté, il est crotté. Moi, ce qui m'a frappé ce soir, c'est quand tu as parlé de l'objectivité dans la conscientisation. Ça, je trouve ça. C'est la fondation des alliances entre les hommes. C'est vraiment fort. C'est, ça fait partie de la puissance de la nouvelle société. C'est tellement fort, ça. C'est tellement fort, ça. Gisèle est là comme témoin. Il y a des hommes que je... Il y a des gens que je connais, là. Je peux aller voir et je peux dire, écoute, Georges, j'ai besoin de 50 000 $. Ils vont à la banque, ils vont me le donner. C'est fini. Puis ils ne me le, ils me le redemanderont jamais. C'est pas l'adresse. Autrement dit, quand l'homme... Quand l'homme est conscient et vit et comprend ce mécanisme-là, une micro-société comme ça a un pouvoir économique très vaste. Très vaste. Très vaste. Parce que l'ego, c'est un pour tous. Dans le sens que un et dans la conscience de tous. Ils ont tous la même conscience? Fait que si je vais voir Georges, je dis Georges, j'ai besoin de 50 000 $. Les autres, ils disent, donne-moi 50 000 $. Georges me donne 50 000 $. Ça fait partie de sa conscience, ça fait partie de ma conscience. Tu vois ce que je dis? Fait que Georges, il me donne 50 000 $. Moi, si Georges vient me voir un jour, il dit, j'ai besoin de 40 000 $. Il dit, je donne 40 000 $. Non. Quand tu es conscient, tu dois rien faire ça. Regarde les belles sessions. Si tu dois quelque chose à quelqu'un, c'est parce que ta conscience n'est pas parfaite. Et la conscience de l'autre, non. Il dit que si les hommes étaient conscients, les hommes n'auraient jamais à travailler parce que les hommes échangeraient constamment. Finalement, le vol, c'est une ignorance de le partage plus égal des choses. Exactement. Non, mais voler, c'est comme ça, c'est l'objet qui change de propriétaire, mais... Sans conscience, sans qu'il y ait un échec. C'est une appropriation de quelque chose. C'est le paiement de la liberté. C'est ça. C'est aller contre la liberté. J'ai entré sans permission. Gisèle, tu me connais? Est consciente de ce mécanisme-là. Puis la puissance de ce mécanisme-là dans cette micro-société-là. Tu sais. Je pense que c'est vrai, quand on est dit pour avoir quelque chose, il n'y a pas de résistance, on va de la part. Je vais vous dire une chose, écoutez-les bien ça. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Je ne sais pas si je le ferai. Ou je sente les vibrations de tout le monde. Mais si un jour quelqu'un, si ça m'élevait à mes oreilles, ben, de façon, là, quelqu'un me disait, bon, j'ai 5, 10 000 piastres en dette, puis. Que ça, les dettes, là, il ne peut pas en sortir. Ça l'étouffe, là. Si les gens étaient conscients, on sortirait à ce gars-là dans une conférence, on sortirait de son. Fait que 800 personnes, ou 1000 personnes, ou 2000 personnes, là, puis il y en a un qui est pogné, là, qui a 10 000 piastres. Fait que disons que tu as 1000 personnes, 10 000 piastres, ça fait combien? 5 piastres chaque. Comment ça fait 1000 personnes? 10 piastres chaque. Ouais. Chacun donne 10 piastres, le gars, il est sorti de son truc. Là, il peut respirer, là, puis avancer. Il y a un autre, problème. Il a besoin de 300 piastres, 55 chèques. Il n'y a personne qui le sent. Puis tout le monde a accès au même pouvoir de la conscience. C'est fort. Ben, moi, j'ai. On parle d'une coopérative. Pas mal, je veux dire le principe de la conscience. Mais ça, j'ai vécu ça pendant un petit peu. Je m'étais fait voler, c'est 45 $, puis on était dans un groupe, là. Puis c'est venu aux yeux d'un organisateur, il a dit bon, ben. Bon, les soleils s'est fait voler tant. Ils ont donné chacun une pièce, puis personne n'a senti. Non. Oui, ça t'a. Mais ça, c'est une chose que je ferais dans un cas extrême où une personne n'est plus capable. Tu sais, il y en a des gens qui sont plus capables, ils n'ont là. À ce moment-là, là, ils me permettraient peut-être de le faire. Ça, ça éliminerait. On ne sont pas une affaire d'égo, tu sais. Non, on ne pas que ce soit une affaire d'égo. S'il y a de l'égo, là. Et s'il n'y a pas d'égo, ça devient un pouvoir extraordinaire. Ah ben oui, tu m'as sorti, je m'en vais, puis je fais exprès, genre, je me sortirai pas. Non. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Il y a des gens qui ont été imposés des situations de vie pour leur expérience, puis même cette expérience-là servirait. Ah, c'est subtil. Ça servirait à tout le monde. Fait que qu'est-ce qui arrive quand tu as 1000, tu as 2000 personnes comme ça? Tous les gens qui souffrent, là, qui sont réellement pris, qui n'ont plus de problèmes intérieurs, ils n'ont plus de problèmes au niveau interne, c'est au niveau matériel qu'ils ont des problèmes, là. Il faut que ça brille. À ce moment-là, les gens découvriraient une nouvelle sorte de possibilité de vie, de relaxation. Ça élimine le traumatisme de tout ça. C'est la conscience. Quand tu dis que tu es prêt, je vais faire que tu participeras à la part, mais il ne faudrait pas que ta suggestion au groupe devienne une domination que les autres se sentent obligés de le faire. Non, quand je le ferai seulement avec des gens conscients. Les gens qui sont con. Les gens qui ont la vibration, je le sais. Alors, je pourrais parler à ces gens-là. Plus tard, quitte à prendre plusieurs autres qui seraient qui ont la vibration. Je pourrais le faire avec Croteau dessus. Je peux vous dire avec qui je peux faire. Je peux faire avec Rodo, je peux faire avec Valentin. Je peux le faire avec Jeannette. Hein? Je vous donne un exemple. À ce moment-là, il ne faut plus que ça. Pas que ce soit un intuant. Il faut que ce soit une réalisation consciente. C'est pour ça que je ne suis pas prêt à faire derrière même parce que les. Pour que je fasse, parce que là, pour faire des mouvements comme ça, il faut que tu te fasses d'une façon parfaite avec des gens qui ont une conscience parfaite de ce que tu fais. Sans ça, ça terminerait mon activité. Je ne peux pas permettre ça. De savoir un tout qui me ferait ce moment-là. Tu serais l'instigateur de cette prise de conscience. Là. Mais il faudrait que les gens le sachent par eux-mêmes. Là, c'est vibratoire, c'est plus psychologique. Là. C'est vibratoire. Il y a beaucoup d'entre nous qui font ça au niveau animal. Oui, des oui, choses comme oui, ça. Oui, oui, oui. D'ailleurs, ça se fait parmi les hommes. Attends, c'est souvent, tu n'attends même pas qu'ils te demandent. Tu te rends compte que tu as besoin, que tu vas offrir ton aide. Exactement. Ça devrait être comme ça. Ce masque à lui, c'est que entre, ça se fait entre amis, mais ça ne se fait pas entre ennemis. Ce sont des gens qu'on connaît, avec lesquels on a des relations, des sympathies. Les gens, le gars qui est seul dans le coin quelque part, là, puis qui est capable de sortir son trou, puis qui n'est pas capable, c'est lui qui a besoin d'aide. Celui qui n'a pas d'amis, lui, il n'a pas. Ah, c'est très grand. Mais je suis un homme extrêmement averti. Plus que vous pouvez jamais vous imaginer. Quand je fais un mouvement, je suis certain de ce que je fais. Donc, si je le faisais, c'est parce que je suis certain de ce que je fais. Sans ça, je ne le fais pas. Ben, j'ai pas d'argent à perdre, j'ai pas d'énergie à perdre, j'ai pas de temps à perdre. Mais je suis allé voir des gens qui sont étouffés. Puis qui n'ont pas, pour toutes sortes de raisons, la capacité d'avoir des amis pour les aider. Donc, il y en a qui ont la capacité d'avoir des amis pour les aider. Il y en a qui n'ont pas. Il y a des gens qui sont. Qui vivent des vies extrêmement difficiles, puis qui ont des grandes vies à vivre. L'expérience de leur vie à un certain moment. Oh non. Ça prend de la conscience, pas de la bonne intention. Non. Parce que tu ne donnes pas, tu transfères. Tu ne donnes pas, tu transfères. L'homme ne doit jamais donner. Il doit transférer. Écoutez bien, ça devient nuancé. Mais tous les hommes donnent parce que les hommes pensent. Et les hommes rattachent à leur don une valeur à quelqu'un. Qu'elle soit énergique ou qu'elle soit matérielle. Okay. Ben, qu'elle soit vibratoire. Que ce soit toujours vibratoire, jamais psychologique. C'est psychologique, c'est final. C'est vibratoire, c'est un autre chose. Tu donnes rien. Tu transfères. Quand on donne, c'est pas possible. Tu donnes pas, tu transfères. Parce que quand tu transfères, tu ne possèdes pas. Quand tu transfères, tu ne possèdes pas. Mais pour le posséder, il faut que tu sois conscient. Il faut que tu sois assuré de la perfection de la conscience. Dans tous ceux avec lesquels tu trafiques de cette sorte. Oui, c'est pas mal délicat. Oh, c'est très délicat. Parce que même, là, j'entends parler de ce corps, bon, une photo, une autre, ce n'est pas des gens que je connais. J'ai l'impression que vous êtes d'une super conscience que je n'ai pas encore accès. Je n'ai pas l'impression que je suis dans votre gang. C'est ça, dans le dit, là. Tu veux la même chose pour l'argent ou pour le progrès? Non, je parle de Croteau ou je parle de telle ou telle personne pour expliquer des faits saillants de ce que tu dis. Oh oui, ça, au niveau des exemples, je suis compris. C'est des exemples. Oh oui. Mais l'énergie vibratoire, de tout ça, là, j'ai pas l'impression que j'ai accès à ça encore. L'impression que vous n'avez pas d'avoir accès à ça encore fait partie de l'expérience de l'ego qui est en évolution. Il ne faut pas que vous fassiez la paix avec ça. C'est rien là. Non, je vais, je ne m'en cause pas. ça fait curieux, pareil. Bon. Tu dis, mon Dieu. Ça, c'est de la réflexion à l'ego. Oh, oui, je vais. C'est pas de mes affaires, premièrement. C'est vrai que je vis à mon rythme. Exactement. Fonctionner virtuellement aussi, quand on sait, tu ne peux pas le savoir, tu ne sais pas. Dans la, tu fonctionnes par intuition. Ouais. Ça ne se décrit pas, fonctionner virtuellement. C'est un état qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. La plupart des gens fonctionnent par intuition. Il faut qu'elle vit son expérience, hein. C'est deux mondes de son expérience. Quand même, je donne une explication, ça projettera simplement l'expérience sur un état futur. Ça. Je vais se prendre son cours. Je comprends. C'est dur pour l'homme de comprendre. C'est dur pour l'homme de comprendre ce qui se comprend pas. La nouvelle étape de l'évolution de l'homme. Comprendre ce qui ne se comprend pas, c'est pas facile. Parce que... On prend M. Gauthier. M. Gauthier, c'est un grand intuitif. Il sent par l'intuition. Il interprète par l'intuition. Il comprend par l'intuition, mais il ne comprend pas. Il va comprendre quand l'intuition ne servira plus. Il va comprendre quand l'interprétation intuitive ne servira plus. À ce moment-là, il va être simplement dans les vibrations. Chaque personne a son mécanisme. Mais en attendant, le mécanisme de chaque personne est essentiel. Il peut servir fortement dans telle orientation, telle orientation, telle orientation. C'est pour ça qu'il vient un point. Il vient un point éventuellement quand on rencontre les hommes. Je parlais d'objectivité de conscience ce soir. Il vient un point où les hommes, quand on les rencontre, ce n'est plus les personnalités qui nous intéressent. C'est plus les égos qui nous intéressent, c'est l'art. La vibration. Moi, c'est vos vibrations qui m'intéressent, pas vos personnalités, vos égos. Mmh. Wow. C'est ça. C'est la vibration. C'est ça qui parle. Ouais. C'est ça. Plus haut de l'art, il faut aller. Tantôt, tu as parlé de l'âme parfaite et de l'ego parfait. Maintenant, on va dire un ego qui s'en vient dans sa tête, comme tu disais. Bon, il a atteint une certaine degré de perfection. Il n'y a pas un danger qui se fait avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il n'a pas atteint un certain ego de perfection. Il pense qu'il a atteint un ego de perfection. C'est pas que les gens cherchent des sommets, tu sais, les sommets, les écoles spirituelles. Vers un an, quand on s'est rencontrés, surtout ceux qui me connaissent depuis un an, c'était normal toujours de penser en termes de sommets, tu sais, les sommets. Puis si vous regardez à ça, vous voyez que le sommet n'est plus. Sommet. C'est pas de sommet à la conscience. Il y a des sommets dans l'illusion de l'ego, dans l'illusion spirituelle de la forme de l'ego, là, il y a des sommets. 12e degré, 13e degré, comme ça. La loge. La loge. Oui, mais il y a des différenciations comme les immortels, les éternels, je veux dire. C'est quand même des degrés, c'est des ascensions. C'est quoi des degrés? C'est des pouvoirs. C'est les pouvoirs. C'est le pouvoir qui leur donne la puissance. Puis la puissance les différencie de ceux qui sont moins en puissance. Mais il n'y a plus d'ego. Enfin, il n'y a plus de degrés. C'est l'ego qui crée les degrés. C'est comme. Prends ton ajusteur de pensée, mon ajusteur de pensée. Si tu mets ton ajusteur de pensée, s'il est plus haut que le mien, tu vois comment je ne voudrais pas. Ça ne marche pas de même dans leur monde. Nous autres, on qualifie des degrés. Lui, il va dire dans le mien, lui, il va me dire dans le mien, que ça arrête là, c'est final. Cause de bataille avec le reste. Mais nous autres, on veut des degrés, puis il y a. Yeah. Je crois que c'est bien ça, cette histoire de degré-là, parce que ce qui est en bas est en haut. Hein? Ce qui est en bas est en haut. Ce qui est en haut est en bas. Ça vient d'où, ces degrés-là? Il y a une hiérarchie dans l'univers. La hiérarchie est déterminée par la perfection des entités. Oui.

Quand il y a des collisions de planètes, c'est parce qu'il doit avoir des collisions de planètes. C'est pas d'imperfection. Il me semble quand tu disais que celui qui était le créateur de notre univers, c'était Lucifer, puis que c'était justement imparfait, qu'on était vraiment. J'ai dit à un moment donné que on n'était pas encore dans la perfection, on était encore dans les états d'évolution. Le cosmos était en évolution. Le cosmos était en évolution, mais la mécanique du cosmos est parfaite. Quand on parle de la perfection du cosmos, on parle d'augmenter le niveau vibratoire et des mondes qui ont été créés. Mais la mécanique du cosmos, c'est parfait. Changer la vibration de l'atome par l'énergie que possède l'esprit de l'âme, c'est augmenter la perfection du cosmos. Mais l'atome est déjà parfait dans sa constitution. Ça fait partie du processus de création. Mais de bas en haut, du dos en haut, à l'échelle de l'homme. Ce qui donne la civilisation. Donc, la civilisation paix, la grande civilisation. À quelques reprises, Bernard, tu as parlé qu'on devait tendre et devenir des créateurs. Que vous pourriez discourir là-dessus que tout le monde. L'homme deviendra créateur. Parce que l'homme aura le pouvoir de l'âme en lui. Il se servira de l'énergie de l'âme pour créer. Ça fait partie de l'évolution. Venez vous courir ça. Je vais demander si tu peux autoriser le doublage qui est cassette de la conférence de l'an passé à Juliette. Le doublage? Le doublage, les distributeurs ceux qui ont signé un itinéraire, par exemple, ou directeur Audrey, si il y a une question. Bon. Je vais te donner une réponse dans 2 semaines. Tu es capable d'attendre 2 semaines? Dans 2 semaines, je vais te donner une réponse. C'est agréable de les réécouter. Ça manque. D'ailleurs, c'est des belles conférences. Non, c'est pas super meilleur. Ouais. C'est surprenant. Oh, mais... C'est charmant. Celle d'avant, par raison, celle d'avant, tu t'en veux du temps, parce que à la fin de la conférence, j'avais l'impression que tu fais le temps. Que je fais le temps. Peut-être parce qu'il n'y avait pas rien du tout à dire ou de vérité. C'est peut-être pas une chose agréable, c'est capable de faire. D'ailleurs, j'ai toujours les mêmes vibrations. Des fois, je peux aller aux conférences pour aller un drink. Mais je vais donner la réponse sur les autres. Et c'est bien important l'affaire d'objectivité de conscience. Bien important. Parce qu'il dit que lorsqu'on dit, lorsqu'on comprend ça, puis qu'on dit ça, c'est là qu'on s'aperçoit jusqu'à. C'est là qu'on s'aperçoit que les gens qu'on connaît sont grands. Sont grands. Là, vous appelez ça être beau. Les gens sont grands. Ça se rapproche ça. L'amour cosmique, l'amour universel? Tu ne peux pas avoir d'université. Tu tu peux pas avoir d'amour universel. Tu peux pas être dans l'amour universel si tu ne connais pas l'objectif de toi. Tu peux avoir de l'amour spirituel. Mais l'amour spirituel, c'est pas l'amour universel. Il y a une relation directe et étroite entre l'objectif de conscience et l'amour universel. Et plus ton objectif de conscience est grand, plus ton amour universel est grand. C'est pour ça que les autres amours spirituels ne sont pas donnés sens. Parce que à l'amour spirituel, les théories sont opposées avec. C'est pour ça qu'il y a des conflits souvent entre les gens spirituels. C'est pas de l'amour dans sa forme de conscience pure. C'est ajusté au niveau du corps astral humain. Là encore, tu peux avoir des bords de des journées parce que tu comprends objectivement, tu acceptes tout le monde, d'autres journées tu les fais. Ah, ah. C'est long à ajuster. C'est ça que je dis, la conscience, c'est la conscience, c'est pas facile. Tu peux pas te dorer à peu de la conscience. Dans la conscience, l'ego ne peut pas prendre ce qu'il veut. Il doit prendre tout ce qu'il a à dévorer. C'est pour ça que quand il l'a absorbé, à ce moment-là, sa vie est très claire. Quand tu es conscientisé, tes journées sont continues. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est toujours du temps qui passe et qui coule. Mais sans anxiété pour le lendemain. D'ailleurs, c'est l'anxiété pour le lendemain qui fait qu'il y a des journées lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est que le lundi. Ouais, surtout le lundi. Éliminer là, si vous étiez capable, c'est ce qui se passe en vacances. Quand vous êtes en vacances, le lundi, le mardi, vous l'oubliez. Parce que vous n'avez pas l'anxiété pour demain. Mais là, vous remettez, vous êtes obligé de partir en vacances, là, il revient. Ça, c'est samedi. Vous partez samedi, là, l'anxiété commence. Et pendant votre vacances, là, les jours, vous êtes tout mélangé. Vous ne savez pas quel jour que c'est trop. Ouais, mais à la fin, vous le savez. Il dit les gens se respectent les uns les autres. Mais c'est facile. C'est bon, hein? C'est un bon outil. C'est facile. Les gens doivent se prendre objectivement. Fait quand tu te prends objectivement, tu n'as plus besoin de respecter l'autre personne. Tu es déjà dans le respect. C'est comme un peu quand tu es conscient. Quand tu es conscient, tu aimes automatiquement. Tu n'as pas besoin de t'occuper de lui. La conscience, c'est amour. Tu n'as pas besoin de t'occuper de lui. Ce n'est pas de tes affaires, d'aimer le monde. Ouais, c'est super. C'est pas toujours en vrai. C'est pas un sentiment, là. C'est plus un sentiment. Bon, au niveau de la conscience, avec lui, c'est la même chose. Tu n'as pas besoin de respecter personne, tu es dans la conscience. Objectif. Donc, automatiquement, le respect est là. Le respect, c'est une forme. Comme l'amour spirituel, c'est une forme. Quand tu es dans la conscience, il n'y a pas de forme. Donc, le respect est toujours là. L'objectivité, là, serait une certaine aptitude à capter la vibration de celle qui est en face de toi. De reconnaître la vibration qui est à. Ah, c'est pas mal. D'apprendre objectivement cette vibration-là. Ne pas l'interpréter par tes sentiments. Ah, c'est bien important. Ça, c'est bien important. Parce que si tu ne prends pas objectivement, Et de voir un lien. Ah, mais si tu veux t'attaquer, ça va être bon. Je te les aime ici. Et bien, les gars. Il y a quelque chose, Bernard, à ce sujet du respect, l'objectivité, etc. Il me semble que c'est vibratoire, c'est pas que c'est. Il n'y a pas de tabonnage à faire avec ça. Il me semble intérieurement, pas grand. De le vivre, oui. Vivre quoi? Vivre ton énergie, vivre ta libre avec certainement. Pas de casser la tête. Par exemple, on est, c'est pas nécessaire de se casser la tête avec ça. Tu peux vivre ta relation, mais il faut que tu puisses absorber celle des autres. Nécessairement. Quand vivre sa vibration, ça se fait. Mais absorber celle des autres, c'est un autre rapport. Mais pas toujours, parce que c'est pas. Ah! Bien. Ça savait, mais tu ne comprends pas expérience. Ah! Et là, elle se rend comme excellent terrain de travail. C'est là que vous grandissez. C'est là que se détruit l'ego. C'est là que s'ajuste l'ego. C'est là. Tu parlais d'empathie dans notre concept. L'empathie, elle existe tant qu'il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de travail qui se fait, là. C'est l'alignement des deux personnalités. Les deux personnalités se complètent l'une l'autre parce qu'il n'y a pas de conflit entre les deux. Mais c'est quand il y a un conflit, là, que un cherche à s'ajuster avec l'autre, c'est là c'est beau. Là, c'est beau. Là, à ce moment-là, quand c'est fait, c'est de l'harmonie. L'empathie, ça fait partie de l'ego. La sympathie, ça fait partie de l'ego. L'harmonie, ça fait partie de l'âme. Ça ne fait pas partie de l'ego. Tu peux être très empathique ou sympathique avec une personne. Il peut se produire quelque chose dans votre vie qui va vous créer de la sympathie. De l'antipathie. Vous pouvez être ami avec une personne un jour ou l'année, vous allez être ami. Parce que ça ne fait pas partie de l'harmonie de l'âme. C'est une situation temporaire d'équilibre entre vos deux personnalités. C'est toujours vrai. Le vieil adage juif, si tu fais de l'argent à quelqu'un, il va devenir ton ennemi, après un bout de choses. Tu sais, la main, il fait tout de même. Ouais. L'harmonie, c'est au niveau de l'âme, c'est pas au niveau de l'ego. La sympathie, c'est au niveau de l'ego de la personnalité. Quand tu es dans l'énergie de l'âme, Que ton ego aime ça ou qu'il aime pas ça, se faire engueuler par un autre, ton ego est obligé de l'absorber. Quand t'es bien près de l'âme. Là, il se fait un travail, tu vois. Et tant que t'es passé dans cette énergie-là, ton ego va dire, ouais, je peux rien savoir de lui, ça va. Il n'y a pas de travail qui se fait. C'est en vous autres que ce grand travail-là se fait. C'est pas en vous, vous autres. Moi, je suis bien trop facile. Moi, je suis comme un serpent. Mais un serpent, ça sert à des fois. Ça sert pour le bien-être. Mais de la personne, si la personne peut comprendre ça, ça sort. Mais tu deviens très flexible. Il y a bien plus de travail qui se fait entre vous autres qu'entre vous autres et moi. Entre vous autres et moi, c'est de l'instruction. Mais entre vous autres et vous autres, c'est là que le travail se fait. C'est là que le travail se fait, entre vous autres. Alors, moi, je vous donne l'instruction, vous dites c'est le même. Vous avez le choix de le voir ou de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais entre vous autres, c'est un autre élément. Vous autres, vous pouvez me parler. Je vais donner un exemple, M. Fernand, M. Levesque, il me parle. Il me parle à sa femme. Je l'écoute. Je ne contredis jamais personne. Je ne vais jamais. Je ne suis pas compétitif. Fait que je l'écoute. Ce qui est important, c'est que je l'écoute. Ce n'est pas important que je dise nécessairement ce que je pourrais dire et que c'était dans un temps. Dans un temps, ben, là, je vais y parler. C'est le temps. Après ça, je l'écoute. Puis un autre temps, je parle. Après ça, je l'écoute. Un autre temps, je parle. Après ça, je l'écoute. Quand il me parle, je l'écoute. Que ce soit pas précisément, que ce soit pas précisément ajusté ce qu'ils me disent, qu'il y a encore des formes, je vais pas. Je vais pas monter sur mes grands chevaux et dire. Non, non, non, non, non, non, non. Ça, c'est de l'ego. Il s'en tirait. Donc, automatiquement, les liens entre moi et lui se briseraient. La compétition. Parce qu'il y a de la compétition entre les gens spirituels. Moi, je ne suis pas un être spirituel. Il n'y a pas de compétition. Je suis neutre.